me pose dans la nuit pour écrire, mais c'est mort, trop de choses à dire. Et puis merde, j'ai qu'une envie, c'est partir, partir pour ne plus jamais revenir. Oublier ce mal qui va de pire en pire, atteindre ce fond qui m'attire. J'en ai marre qu'on me dise que la vie vaut la peine d'être vécue. Donne-moi une seule bonne raison, parce que là, moi j'en ai plus. Ne me parle pas d'amour, ici bah y'en a plus. Des rêves, j'en fais plus, car j'en ai plus d'écoute de pu. J'en ai trop vu, de l'alcool, j'en ai beaucoup bu. En espérant oublier, mais quand t'enchaînes merde sur merde, pas facile d'en remonter. On croit pas assez bas pour avoir des pensées suicidaires, mais mon esprit et mon cœur, moi, sont déjà 6 pieds sous terre. C'est dans cette vie, moi, que je m'enterre. Ma gorge comme mes poches ont déjà un goût de poussière. Il me reste plus qu'à oser le faire. On est beaucoup à connaître ce mal qui te prend au bide au cœur, qui tronche de l'intérieur, qu'on livre à personne. C'est ça le malheur. C'est une fois seul que je pleure. Je me dis qu'à ma porte, j'amène frappera le bonheur. Et c'est seul que j'attends mon heure. J'attends que la faucheuse vienne me chercher. Mais à chaque fois que je l'ai invitée à m'a laissé sur le côté, c'est ce que j'aimais qu'elle a emmené. Aujourd'hui, je suis vraiment seul. J'ai personne, pleurera sûrement la seule pour me découvrir. Faudra attendre que l'odeur atteigne le seuil. Donc, soir, j'en ai marre. Soir, c'est trop noir. Celui qui a gagné, c'est le cafard. C'est décidé, c'est ce soir que je me barre. Je m'assois dans ma baignoire, mon arme à la main. Ça y est, enfin, j'aurai plus jamais à me soucier de ce que sera demain. Quand ce mal te prend, pense à ceux partis trop tôt. Ceux qui sont en fauteuil roulant ou ceux qui se battent à l'hosto. On y a tous au moins pensé une fois, baisser les bras, abandonner sur nos vies de merde, tirer un gros trait. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à œuvrer, mais ta tête faut la relever, faut continuer d'avancer malgré les coups qu'on peut te donner. Faut continuer de lutter, un jour ça va s'améliorer. À ceux qui te disent le contraire, dis-leur d'aller se faire enculer.